France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Étrange début pour l'aventure du Tour de France cycliste. Le Tour de France. La première année, 6 étapes. Mais quelles étapes? En 3 semaines. Des vélos invraisemblables, des pneus lourds, des crevaisons permanentes. Et cela à peine sur de vraies routes. Des sentiers, oui. Ou dans la poussière, ou dans la boue. Un métier de forçat. Et le public? Bon, pas un grand public au début. Au départ, c'est comme une petite kermesse de campagne. Et puis, bientôt, il y aura des bagarres et des sabotages. Par ailleurs, de quand date le premier maillot jaune? Soyez témoin, le premier Tour de France cycliste, première diffusion sur la chaîne parisienne le 4 juillet 1956. Soyez témoin, une émission d'André Gillois. Demain matin commence le Tour de France cycliste 1956. Aussi avons-nous pensé qu'il serait opportun de consacrer une émission au témoignage relatif au premier de ces Tours de France qui eut lieu du 1er au 19 juillet 1903. Nous entendrons tour à tour M. Géo Lefebvre, journaliste à l'Auto, M. Sourdi du journal Le Journal et l'ancien champion cycliste Eugène Christophe. Le premier témoin auquel je vais faire appel est M. Géo Lefebvre, qui, à l'âge de 26 ans, a été le promoteur du Tour aux côtés du regretté Henri Desgranges. Mais je voudrais qu'il nous dise lui-même comment est né ce Tour et ses souvenirs sur la première de ces épreuves. Ces souvenirs, on me les a déjà souvent demandés. Mais il y a une chose que je crois n'avoir jamais dit parce que je n'y avais pas pensé, c'est comment le Tour de France est né d'une aventure politique qui a été un drame effroyable, l'affaire Dreyfus. À ce moment-là, Pierre Giffard, qui venait de fonder le Vélo, en s'évadant du petit journal dont il était le directeur politique, avait trouvé bon de créer une rubrique, un feuilleton politique qui donnait les faits divers, les récits de la Chambre, les scandales, etc. L'affaire Dreyfus éclate, Pierre Giffard prend feu, comme beaucoup de notre âge, mais qui fut déjà tout à fait notre aîné, et il devient un Dreyfusard enragé. Or, les gens qui dirigeaient alors l'automobile, qui était important, parce que l'auto à cette époque-là s'appelait l'auto-vélo. De Dion a pris feu de son côté et s'est dit il est impossible de laisser que le sport soit une tribune dreyfusarde. C'est alors, et d'ailleurs excité par le fait qu'à ce moment-là, il y avait eu des élections en Seine-Inférieure, élections auxquelles s'était présenté Pierre Giffard en concurrence avec De Dion, il était trouvé son ami Bayard Clément, il lui a dit il faut absolument que nous trouvions un homme pour battre Giffard. Bayard Clément a dit, je crois que je l'ai. C'est un clerc d'avoué qui s'appelle Henri Desgranges, qui fait du tricycle, la bicyclette, qui vient de battre leur corps de l'heure et qui a pris la direction d'un vélodrome que j'ai créé à Levallois. On l'appelle Henri Desgranges, qui accepte la direction d'un nouveau journal, en concurrence avec le vélo. Il fait appel à Victor Godet, le père de Jacques Godet actuel, qui était son contrôleur chef au Vélodrome et qui connaissait pour son ardeur anti-resquille et pour la surveillance des finances, ce qu'il a prouvé toute sa vie. Et ils ont fondé l'auto-vélo. Procès entre l'auto-vélo. L'auto-vélo est condamné à supprimer le mot vélo, devient l'auto tout court. Et Desgranges se dit, il faut absolument que pour les épreuves publicitaires, les épreuves qui attirent la foule, qui sont Bordeaux-Paris, qui sont Paris-Roubaix, et qui appartiennent de fondation au vélo, il faut que nous fassions quelque chose. L'auto né de l'affaire Dreyfus a été ainsi amené à d'abord à reprendre le Paris-Brest, le décennat du Paris-Brest gagnant en 91 par Théron. Il l'a fait courir en 1901, et en 1902, il est venu me trouver, car j'étais tout jeune que j'étais, j'avais 26 ans, un peu son bras droit, il veut me dire, Géo, il faut absolument que nous trouvions quelque chose de mieux que Paris et Brest, ça n'est pas un retentissement suffisant. C'est là que, d'un commun accord, nous avons dit, Tour de France. Et c'est comme ça que le Tour de France est né. Le Tour de France est né de la bataille de Pierre Giffard de Lyon. C'est très intéressant, en effet. Donc, en 1902, Henri Desgranges décide, après une conversation avec vous, de prendre cette idée du Tour de France et de l'organiser. Parfaitement. Alors, le premier Tour de France est donc organisé en 1903. Avant d'être organisé, il est dans la période d'incubation. C'est ainsi que nous avions décidé, après accord du grand trésorier Godet, que s'il devait durer un mois, pour que la clientèle du journal soit appâtée pendant un mois, car quand on fait des concours d'erreurs ou des concours du Tour de France, on essaie que ça dure longtemps pour vendre beaucoup de papier. Naturel. Alors nous avions décidé un mois. Nous avions décidé également 5 étapes, très longues, c'était à la mode à ce moment-là, c'était Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Nantes, et pour le clou, Nantes-Paris. Et de donner 2 francs par jour pour vivre aux coureurs qui s'engageraient. Or, 8 jours avant la clôture des engagements, nous avions 15 engagés. C'était la catastrophe. Alors, nous avons fait marche arrière, nous avons annoncé dans l'auto à grand fracas que le Tour de France ne durerait que 3 semaines, que les participants auraient 5 francs par jour pour tous ceux qui gagneraient moins de 200 francs de prix. On avait fixé le total des prix à 20 000 francs. Et finalement, le jour de la clôture des engagements, 8 jours après, nous avions 78 engagés qui devaient laisser 60 coureurs se mettre en ligne à Montgeron, à la Belle Étoile. Car c'est de Montgeron que le Tour est parti la première fois. De l'auberge de la Belle Étoile. Mais comment le Tour de France, dans votre premier projet, pouvait-il durer un mois s'il ne comportait que 6 étapes? Il y avait donc d'assez longues périodes de repos? Parce qu'il y avait des périodes de repos. Durant 3 semaines avec 5 étapes, les coureurs avaient 2-3 jours de repos. Nous avions supposé que ce ne serait pas suffisant et nous avions voulu leur donner 4 ou 5 jours ou 6 jours de repos. Mais pendant ce temps-là, il fallait qu'ils se nourrissent, qu'ils s'abreuvent, qu'ils dorment. Des frais, ils reculaient. Quand on a eu 3 semaines et 5 francs au lieu de 2, ça a marché. C'est ça, à cause de ces 5 francs, vous avez eu 78. Ça a été décisif. Bon. Alors donc, le Tour est parti de Montgeron à quelle époque? Au mois de juin. Excusez-moi, mais en fait, le départ eut lieu le 1er juillet 1903. Je n'ai pas assisté au départ, parce que je me préparais à aller sur la route de Briard, les attentes de la nuit. Et alors, chose assez curieuse, c'est que ce premier Tour de France a eu en tout et pour tout. Comme directeur de la course, comme surveillant sur la route, comme journaliste suiveur et chargé de compte rendu pour les différents journaux, il y avait une seule personne, c'était moi, et mes 26 ans. Il n'y avait personne. Personne ne s'y intéressait encore. Les autres journaux avaient royalement laissé tomber et attendaient les communiqués de l'agence Havas pour les résultats. Or, à ce moment-là, pas de voiture assez sûre. J'ai donc dit que j'étais un assez bon cycliste, je vais prendre ma bicyclette. Le jour du départ de Montgeron, j'étais à la gare d'Orléans, prendre le train avec mon vélo enregistré. Je l'ai débarqué dans les environs de Briard. À la nuit, j'ai été au-devant sur la route de l'itinéraire, au-devant des coureurs. La nuit est tombée. Tout d'un coup, des petits feux follets qui arrivent, des bruits de grelots, des silhouettes, et un peloton de 2 ou 3 hommes arrive. J'arrête. Qui êtes-vous? Garin, Potier, au couturier. Je l'ai fait arrêter. J'avais un timbre humide, caoutchouc et encre grasse. Je les ai poinçonnés sur la main. Ils sont partis. J'ai attendu les suivants que j'ai poinçonnés. J'ai collé aux roues. J'ai repris le train là où je pouvais trouver un express rapide. Je crois que c'était à Moulins, après avoir fait moi-même un bon petit parcours. Arrivé à Lyon, vite mes bagages, mon vélo dédouané. Je file, j'arrive sur les pavés du quai de la Saône, il y avait 500 à 600 personnes, et Garin était déjà arrivé. Bon, c'est-à-dire que vous avez manqué l'arrivée de Garin. Oui, de Garin, un ancien petit ramoneur, italien, naturalisé, après avoir opté pour la France. Qui a gagné ce premier Tour de France. Oui, il a gagné le premier Tour de France, sur des vélos invraisemblables, avec des pneus lourds. Tenez, une chose qu'on n'a jamais dite non plus, c'est que Garin, qui a fait les 2 premiers Tours de France sans crever, avait imaginé de mettre entre son boyau lourd, aujourd'hui on a des boyaux de soie qui ne pèsent rien du tout et qui crèvent tout le temps, il avait imaginé mettre entre son boyau lourd et la jante, et la surface roulante, une mèche de lampe à huile qu'il avait acheté exprès, qu'il avait confectionné, qui entourait toute la roue et qui donnait plus d'épaisseur à sa surface roulante. Et grâce à ça, grâce à une mèche à huile, une mèche à lampe à huile, il a fait les deux premiers Tours de France sans jamais crever. C'était très ingénieux, en effet. Sur des étapes aussi longues, les écarts devaient être très grands à l'arrivée. Oui, très grands, mais c'était un travail terrible. À ce moment-là, les routes, notamment dans le Midi, étaient ou avec 20 cm de poussière, ou avec 15 cm de boue, suivant le temps qu'il faisait. C'était effroyable. La vérité, c'est que le travail des garins, des eaux couturiers, des potiers, de tous ces gens-là, qui avaient ce qu'on appelle la bicyclette à pignon fixe, sans changement de vitesse. Il est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de montagne, car la montagne du Tour de France n'est vue qu'après. C'était un métier de forçat, et j'estime que les coureurs qui terminaient à l'époque, dans des moyennes intéressantes, qui atteignaient parfois le 30 de moyenne, étaient des gens d'une résistance telle qu'on n'en voit peut-être plus aujourd'hui. Vous avez dû avoir beaucoup d'abandon. Non, pas énormément. 50% environ. 50%. Est-ce que je puis vous demander quelle était à ce moment-là, si je puis dire, la position sociale du coureur? Je veux dire par là, est-ce qu'ils appartenaient à des maisons du cycle organisées ou est-ce que c'était vraiment des indépendants? Un minimum appartenait à des maisons organisées. Il y avait à ce moment-là la Française, Alcyon, c'était à peu près tout, et une marque américaine qui faisait courir qui s'appelait Cleveland. Et cette lutte des marques qui s'est développée ensuite, quand toutes les marques plus modernes sont venues, ont abouti à des scandales tels que des granges ont été obligées, notamment après l'empoisonnement d'un coureur dans les Pyrénées, un nommé Duboc, a été obligé de renoncer à la lutte des marques et à créer les équipes nationales avec des bicyclettes anonymes. Après ces renseignements sur le premier tour en 1903, parlons des suivants. Pourriez-vous nous dire tout d'abord qui eut l'idée de faire passer plus tard la course en montagne? Un homme qui s'appelait Alphonse Stennes, c'est lui qui remettait les brassards, qui faisait signer. C'est Stennes qui, 3 ou 4 ans après, a dit à Desgranges, ton Tour de France, rien qu'en plat, il est mort, car il allait mourir. Il faut aller dans la montagne. Il a été d'hiver dans le Tourmalet, le franchir l'hiver pour prouver à Desgranges, il a failli laisser sa vie d'ailleurs, pour prouver à Desgranges qu'on pouvait faire de la montagne, qui ne date que, je crois, que de 1905 ou de 1906. Bon. Mais est-ce que l'introduction de la montagne, à un certain moment, n'a pas un peu faussé l'épreuve, si je puis dire, car à ce moment-là, le Tour de France se gagnait dans les épreuves de montagne? Écoutez, il y a un homme qui sera beaucoup plus qualifié que moi. C'est un de nos vieux camarades, qui est une des illustrations chevaleresques de notre cyclisme français, qui s'appelle Christophe. Alors, sur le premier Tour de France, avant d'entendre justement M. Christophe, est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire de plus, M. Lefebvre? Oui, c'est pas sur le premier, c'est sur le deuxième. Car le Tour de France, après sa deuxième édition, pendant 3 mois, était mort. Desgranges l'avait supprimé. Dans la première étape, Paris-Lyon, par le col de la République et Saint-Étienne, il y avait eu une bagarre effroyable. J'avais été obligé de disqualifier un coureur de d'Alès, qui s'appelait Fort, pour avoir triché légèrement, enfin, je l'avais disqualifié. Or, en arrivant au col de la République, nous sommes heurtés à une bande d'énergumènes formidables, qui étaient d'ailleurs des braves gens, mais très surexcités, des mineurs d'Alès, qui ont cogné à coups de bâton chez le coureur, qui ont cassé et écrasé un doigt d'un Italien qui s'appelait Gerbi sur son guidon, et qui, au contrôle suivant, ont lardé ma voiture de coups de couteau, crevé les pneus, etc. Premier incident grave. Deuxième incident, il y a eu des réclamations après l'arrivée. Je suivais en voiture, mais je suivais le premier, Garin. Et les autres étaient derrière, il n'y avait, comme il n'y avait que moi pour faire tout ça, il n'y avait pas de surveillance. Il y a eu des réclamations, il y a eu une enquête de 3 mois, et au bout de 3 mois, on a disqualifié les 4 premiers. Garin, Potier, le frère de Garin, César Garin, et le 4e, qui s'appelait, je crois, Muller ou Couturier. Desgranges en a fait une maladie. Il a dit c'est fini. Des bagarres, des assassinats sur la route, on nous supprime tout. Plutôt, point d'histoire, moi qui ai suivi la course, c'est que je dis que si la disqualification des 2e, 3e et 4e a été exacte, la disqualification du premier, Maurice Garin, au bénéfice du 5e, qui s'appelait Cornet, est une grande erreur judiciaire. J'ai suivi Garin de bout en bout et jamais il n'a triché. Merci infiniment, M. Géo Lefebvre. Nous allons maintenant entendre un autre témoin, M. Sourdi, qui était à l'époque rédacteur-reporter au journal Le Journal. C'est à ce titre, je pense, que vous avez assisté au départ du premier Tour de France. Non, j'étais allé en simple curieux. À ce moment-là, les grands quotidiens n'attachaient pas une très grande importance au départ de cette course. Alors, vous avez eu l'idée d'y aller simplement par curiosité. Alors, voulez-vous nous rappeler ce qui s'est passé? Eh bien, voilà, je me souviens, c'était un mercredi, 1er juillet, il faisait très très chaud. L'après-midi, je me trouvais à Charenton, au Café du Coq d'Or. J'avais là un ami, le docteur Ray, un grand sportif, et puis un monsieur que je voyais de temps en temps, un coiffeur qui s'appelait Henri. Et en demi-sens, il m'a dit, c'est aujourd'hui le Tour de France, le départ à Monchon. Si on y allait, dit Henri. Je me souviens que le long de la route, nous n'avons pas rencontré beaucoup de monde. Pas 20 cyclistes qui s'y rendaient. Ça n'avait pas soulevé l'enthousiasme du tout. Du tout. Et on est arrivé à Monchon. J'avais un petit café, là, le réveil du matin. Et dire qu'il y avait 150 à 200 personnes, peut-être pas plus. Le service d'ordre était fait par les gendarmes de Villeneuve-Saint-Georges, qui suffisaient amplement à leur tâche. Il était environ 2h30. La plupart des coureurs étaient prêts. Il y en a qui faisaient la sieste sur le bas-côté de la route. Il y avait deux ou trois chanteurs ambulants. J'ai remarqué deux ou trois autos. C'était simplement comme le départ d'une course d'une petite ville, d'une kermesse, rien du tout. Alors, les coureurs sont venus après, n'est-ce pas ? C'était apprêté. Je vois encore Garin avec le torse, un torse énorme, et puis alors les boyaux qui ceinturaient, ça. C'est qui, ça ? Avec sa bicyclette, la française, marque Diamant. Il y avait Watelier. Il y avait Augereau. Il y avait Potier. Fischer. Je me souviens, Watelier disant, hein, ça va, mardi, il fait chaud. Jusqu'à Nevers, ça va bien aller. Mais après Moulins, parce qu'il devait aller d'une seule traite jusqu'à Lyon. Il fallait traverser le massif central. Comment a été donné le départ? Le départ a été donné par un coup de revolver exactement à 3h16. Vous avez consulté votre montre pour le vérifier, à 3h16. Ce 3h16 m'a frappé parce que c'était pas 3h15, c'était 3h16. Oui, alors, ils sont tous partis et il n'y a pas eu d'incident. Aucun incident. Je vous dis, ça a été un calme absolu. Et ce calme me paraît d'autant plus grand que si on compare maintenant les départs actuels du Tour de France, alors qu'est-ce que vous voulez? Et quel était le sentiment du public? Je pense qu'on était habitué à des courses de petite distance à ce moment-là. Le public devait avoir le sentiment qu'aucun coureur n'arriverait jusqu'à Paris. Le public n'avait qu'une course dans la tête. C'était Bordeaux-Paris. Bon. Il n'y en avait pas d'autre. Et alors, lorsqu'on a annoncé le Tour de France, ça les a bien intéressés, mais ils se sont dit, ils finiront jamais. Ça paraissait fantastique. Pensez donc, 2400 kilomètres. Et dans le fond, c'était moins dur que maintenant, puisque ils avaient un jour de repos après chaque étape. Ça a duré 19 jours. Bon. Et alors, après avoir assisté à ce premier départ, vous n'avez pas eu l'envie d'aller voir passer les coureurs ailleurs vous... Comment aurais-je eu l'envie d'aller voir passer les coureurs ailleurs, monsieur? Ils filaient sur Nevers, n'est-ce pas? Un train que je n'aurais peut-être pas soutenu pendant longtemps, parce que, bien qu'étant jeune, n'est-ce pas, je n'avais pas encore l'allure d'un coureur. Ensuite, il n'y avait pas d'auto. J'ai bien vu quelques autos sur les bas-côtés. On ne suivait pas en auto. On prenait le train. Et vous êtes allé voir l'arrivée ensuite à Paris? Ah non, je ne suis pas allé voir l'arrivée à Paris. Et quand vous êtes rentré à votre journal, vous avez fait un article tout de même ou non? Non, parce qu'il y avait un envoyé du journal Le Journal, dont je ne me rappelle plus le nom. Et pendant la course, est-ce que le public dans les journaux s'y intéressait beaucoup pendant les 3 semaines que ce Tour de France a duré? Très peu, monsieur. Très peu. J'étais l'autre jour à Nevers et j'ai eu la curiosité de regarder le journal du centre. Il y en avait 20 lignes. Le journal du centre de 1903. À ce moment-là, il ne s'appelait pas le journal du centre, il s'appelait le journal de la Nièvre. Alors il avait signalé simplement le passage? Oui, la veille, il avait donné quelques indications, que le contrôle se tenait au café Bussy, qu'on verrait le comte d'Étampes qui était président du Vélo Club Nivernais, qu'une personne avait donné une prime de 100 francs au premier, que M. Guillemard, qui était le masseur du Stade français, serait venu à Nevers pour masser les coureurs. Hein? Et puis c'était tout. Et c'était tout. Et le lendemain, un petit compte-rendu en quelques lignes. En quelques lignes, mais on avait noté que le préfet de l'époque s'était rendu au contrôle, qui se tenait justement, j'ai dit, au café Bussy, en face du lycée, vers 11h du soir. Je dis bien 11h et non pas 23h, parce qu'à ce moment-là... On ne disait pas 23h. On ne disait pas 23h, n'est-ce pas? Non. Tout a changé depuis, y compris la place que l'on donne dans les journaux à ce Tour de France. C'est inimaginable. On n'aurait jamais pu penser, mais si on aurait vraiment écouté, j'ai vu bien les choses, mais c'est une métamorphose extraordinaire. Je vous dis franchement qu'à mon avis, les gens qui vont voir le Tour de France maintenant, ils vont surtout pour la caravane publicitaire, parce que les couleurs, ben souvent on ne les voit pas. Merci beaucoup, Monsieur Sourdi. Nous allons à présent écouter les souvenirs de Monsieur Eugène Christophe, dont nous parlait tout à l'heure Géo Lefebvre. Monsieur Christophe, vous avez donc participé comme coureur au Tour de France. Mais avant de parler de votre concours, nous voudrions vous demander vos souvenirs de témoin du départ du premier tour. Oui, ben voilà, le premier Tour de France en 1903, j'étais apprenti serrurier rue Chapon à Paris, et j'ai commencé à gagner quelques petites épreuves dans les quatrièmes catégories, c'est-à-dire les courses interclubs de maintenant. Et alors, quand je me suis rendu l'après-midi avec deux autres camarades qui sont décédés depuis, malheureusement, et nous avons été voir ce départ là-bas à la sortie de Villeneuve-Saint-Georges, au réveil matin, n'est-ce pas, la jonction de la route qui s'en va sur Molin et l'autre route qui va sur Corbeil. Alors là, nous avons vu les grands as de l'époque, n'est-ce pas, les Maurice Garin, les Petier, les Muller, les Fischer, les Belges Sanson, Kerf, Pasquier, Beaugendre, des Suisses comme Lézère, Marcel Lecâtre, le père Léon Georget aussi qui courait à l'époque, il est venu le père Boldor par la suite. Et si je peux me permettre de faire une comparaison, n'est-ce pas, avec le premier Tour de France que j'ai vu et ceux que j'ai vécu par la suite et ceux maintenant, eh bien écoutez, ce départ du premier Tour de France, pour moi, je peux le comparer à une épreuve d'amateur aux environs de la région parisienne. Il y avait sûrement même moins de voitures à cette époque-là que maintenant. D'ailleurs, pour cause, n'est-ce pas, c'est que les voitures n'étaient pas perfectionnées comme maintenant. Et il y en avait quelques-unes, mais très peu nombreuses, parce qu'elles étaient souvent en panne. En plus de ça, il n'y avait pas les motocyclettes non plus, les scooters. Et ça se trouvait aussi, je crois bien me rappeler, ça se trouvait en semaine. Et le Tour de France, c'était la première fois, alors c'était un essai. Bien des gens, n'est-ce pas, ne sont pas intéressés tout de suite au Tour de France, comme par la suite. C'est par la suite que ça a frappé. Quand on a vu que des hommes, comme Garin, enfin tous ces coureurs petits et hauts, n'est-ce pas, pouvaient faire des 400 km reliés, par exemple, Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Bordeaux, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, etc. Ces étapes tout à fait longues, et avec les engins qu'ils avaient à l'époque. Parce qu'il y avait une grande différence entre la bicyclette pilotée par ces coureurs à l'époque et celle de maintenant. Moi qui suis toujours resté dans le vélo, qui n'ai su faire que ça, parce que j'ai toujours aimé le vélo, je peux faire la comparaison avec ce que je possédais, nous possédions à l'époque comme machine, et la bicyclette de maintenant. Quand je regarde mon petit vélo de 4 vitesses, j'ai des pneus légers, n'est-ce pas, qui ne dépassent pas 500 grammes. Des pneus, j'entends, mais si je mets des boyaux, j'ai des boyaux de 300 grammes. J'ai un vélo qui fait une dizaine de kilos, tout équipé. Tandis qu'à l'époque, notre vélo faisait 13, 500 à 14 kilos, pas de changement de vitesse, pas d'écrou à oreille, un petit frein à patin sur pneu avant quand on freinait, le sabounet dans la figure, n'est-ce pas, et les boyaux minimum de 600 grammes à l'époque. Et l'état de la route, et l'état du sol. Alors ça comptait. Je me souviens à ce départ justement, quand les quelques gendarmes, le petit service d'ordre qu'il y avait, n'est-ce pas, ne montait pas, il n'y a pas la grande foule, eh bien quand il y a eu le départ, il y avait peut-être deux ou trois voitures maximum. Ben, avec mes deux camarades, nous avons pris la queue du peloton, on s'est mélangé là-dedans, il y avait une poussière fantastique. Nous avons même pu tenir le coup jusqu'à l'entrée de la forêt de Fontainebleau. Et je me souviens avoir été lâché dans cette descente, j'étais dans la poussière, je ne savais pas où je me dirigeais. Et alors nous avons été réellement lâchés par les coureurs qui étaient d'abord supérieurs à nous. Et nous n'avons plus revu les coureurs. J'ai donc accompagné le premier Tour de France avec mes camarades jusqu'à l'entrée de Fontainebleau. C'est-à-dire on laissait Fontainebleau un petit peu sur la gauche, je me rappelle bien. Il y avait cette grande descente, mais une poussière épouvantable. Et puis alors, la largeur. Maintenant, je la connais, cette route-là. J'y vais encore de temps en temps. La route, elle est deux fois large, que, pour ne pas dire trois fois, plus large que, qu'elle était dans le temps. Et roulante, pas de poussière. Tandis qu'à l'époque, alors qu'est-ce que je vous dis, pour deux, trois voitures qu'il y avait, puis alors le peloton de coureurs, c'était un nuage. Si vous, étiez en queue, vous étiez lâché sans savoir que vous étiez lâché. Nous avons continué tranquillement, puis nous avons échoué, je crois, dans la nuit, du côté de Montargis. Nous sommes couchés à Montargis, nous sommes revenus le lendemain seulement. Là, ce que j'ai vu, je peux me rappeler du départ. Et ça vous a donné envie alors de courir à votre tour? Ah, j'avais déjà l'envie, mais j'étais effrayé par cette distance à faire. Bon, c'est long, nos courses que nous faisions des petits Paris-Meaux, des Paris-Montargis, tout de même Paris-Fontainebleau, Paris-Honfleur, des petites courses interclubs comme ça. Ben, vous savez, c'était quelque chose pour nous. Et on finissait pas en paquet. Eh bien, on arrivait à 5-6 minutes les uns des autres pour faire 80 km. Puis les jambes raides, parce qu'il faut vous dire qu'on avait toute la journée devant les taux. Et puis le dimanche matin, on prenait le départ d'une course comme ça. On jouait au vélo, nous n'étions pas préparés comme maintenant. Et je ne dis pas pour médire, mais les jeunes gens maintenant ont tout de même une préparation. Ils ont appris des leçons avec ces débuts très pénibles. Ils ne font pas 10 heures de travail par jour, ils ne tirent pas la voiture à bras, ils ne font pas des travaux pénibles que nous faisions à l'époque. Et alors c'est ça qui, pour nous, on joue au vélo, comme on va jouer à la chasse, comme on va jouer au billard, comme on va jouer à faire de la pêche et tout ça. On faisait ça, on joue au vélo. Mais on n'était pas, on n'avait pas un but de lutte, un but pour gagner de l'argent, pour s'enrichir, pour en faire un métier. Mais non, on m'aurait dit, n'est-ce pas, un jour tu feras un coureur, tu remplaceras les hommes que tu vois là, les Garin, les Léna, le Couturier et tout ça. J'aurais dit, mais ils sont fous ces gens-là. Je dis, mais comment, c'est pas possible tout de même que tu puisses remplacer ces gens-là. C'est des surhommes, ça. Moi, j'étais qu'un petit amateur de vélo. Et tout de même, c'est arrivé par la suite parce que j'avais la passion, j'avais la foi. Et j'avais peur de cette course de Tour de France. C'était monstrueux pour moi et j'ai pris part à 11 Tours de France tout de même. Quel est le premier auquel vous ayez participé? En 1906, j'ai fait mon premier Tour de France avec Ringeval et Watelier, Édouard Watelier, qui sont tous les deux encore du monde, n'est-ce pas? Il y avait Georges Cérès, François Faber qui sont partis sur des pneus démontables. En 1906, le départ de mon premier Tour de France en 1906 avait lieu boulevard Binot à 6h du matin. Il y avait une fête de nuit au Vélodrome Buffalo, le petit Buffalo rue Parmentier. Et il y avait une belle réunion cycliste, et puis après, c'était tourné en fête, et nous avons pris le départ de cette première étape, je crois, c'était Paris-Lille. À ce moment-là, le nombre des étapes était augmenté, et elles étaient plus courtes, dès ce moment-là. C'est-à-dire qu'en 1906, il y avait 14 étapes, le Tour de France de 2400 et quelques kilomètres qu'il était en 1903, était monté à 5400 kilomètres. Et nous avons fini qu'à 14 seulement le Tour de France 1906. J'ai terminé 9e et 4e de la catégorie poinçonnée. C'est René Petier qui a gagné la course, le classement général. Il y avait deux catégories, les coureurs de vitesse, qui avaient le droit de changer de vélo pour monter le ballon d'Alsace. C'était pas le changement de vitesse, c'était le changement de vélo. Ils avaient les mécaniciens, les grosses maisons comme Peugeot, Alcyon, pouvaient leur prêter un vélo, changer de vélo. Et puis, pour monter la côte, puis après, du côté de Belfort, ils reprenaient l'autre vélo plus multiplié. Mais nous, il fallait tout avaler, n'est-ce pas, avec le seul unique développement que nous avions. Et nos machines étaient poinçonnées. Et il y avait déjà des étapes de montagne en 1906? La montagne, c'était le ballon d'Alsace. C'est bien sûr qu'il fallait tout à monter, tout avec notre seul unique développement. Nous faisions un changement à Nancy, je me rappelle, c'est l'étape de Nancy-Dijon. Nous mettions une roue libre, c'est-à-dire un cheval qui était mon aîné de 2 ans, et qui, je crois, avait pris ce premier départ d'un Tour de France en 4 ou 5, je crois. Et alors, on va mettre une roue libre. Alors, on mettait un frein arrière en supplément, n'est-ce pas, sur jante, le frein touriste, et puis une roue libre. Parce qu'il fallait monter très bien, mais il fallait descendre. Alors, c'est la seule étape. Alors, moi, j'avais apprécié cette roue libre, n'est-ce pas, dans la course. Et alors, après, je l'ai gardé quelques étapes. Alors, les autres coureurs, comme René Petier et autres, m'appelaient le touriste, parce que j'avais apprécié la roue libre. Mais c'était pas défendu. Mais moi, j'appréciais beaucoup cette roue libre, n'est-ce pas, avec le petit développement, surtout dans les descentes aussi. Et puis, ça reposait. Et par la suite, beaucoup sont venus à la roue libre tout de même. Mais les coureurs de vitesse, ils avaient l'habitude de sentir le développement dans la jambe, n'est-ce pas, retenir un petit peu avec les jambes, freiner avec ce petit frein à patin sur le pneu avant. Tandis que moi, j'aimais bien, mais je regardais pas au poids, j'étais plutôt cyclotouriste que coureur de vitesse. Moi, je l'avoue carrément. Mais vous avez participé aux étapes des Alpes et des Pyrénées. Ah oui, par la suite. Alors, par la suite, comme j'ai pris part à 11 Tours de France, n'est-ce pas, j'ai refait un autre Tour de France en 1909, j'étais battu par le demi-frère de Faber. Par la suite, alors nous avons eu en 1911, alors c'est la première fois qu'on a monté l'école. Alors en 1911, c'est Émile Georget qui est passé premier au Galibier. Alors là, c'était terrible. C'était réellement épouvantable. On s'habitue forcément un petit peu à tout. C'est toujours pénible de monter à plus de 2000 mètres d'altitude, d'accord. Mais les routes sont moins mauvaises. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le matériel s'est bien amélioré aussi, n'est-ce pas? Là, le sol étant meilleur, les pneus plus légers, le changement de vitesse que vient en secours. Eh bien, c'est pénible, mais c'est pas un labour comme ce que nous avons fait dans le temps. Nous passions en haut des dans la montagne, mais c'était pas des routes, c'était même pas des chemins, c'était des sentiers, si on peut dire. Je n'exagère rien. N'est-ce pas, ceux qui ont pu voir, n'est-ce pas, et il y en a encore forcément, même plus jeunes que moi, qui ont vécu cette époque-là, eh bien, peuvent se rendre compte de la différence de route. C'était pénible pour monter et terriblement dangereux pour descendre. J'ai fait quelques chutes aussi en descendant. Il m'est arrivé même une fois de casser mon vélo. Et là, c'est en 1913. Ah, dans 1913, je peux apporter un petit témoignage. Je vous ai vu passer à la descente du col des Aravis. Vous étiez, il y avait un petit peloton de coureurs passant par la petite ville de Thônes. Ah oui, oui, c'est enfin, oui. Et ce qui est très curieux quand on se rappelle cela, c'est que nous étions peut-être 5 ou 6 à vous regarder passer. Oui, oui, à peine plus que de coureurs. Oh, il n'y avait pas la grande foule. Non, non. D'abord, n'est-ce pas, il n'y avait pas de véhicule pour vous transporter dans ces endroits, comme maintenant, n'est-ce pas? Mais il y avait encore des diligences dans la montagne à ce moment-là. Ah, mais comment? Mais il y avait des gens qui descendaient une fois ou deux seulement par an, n'est-ce pas, dans la vallée. Quand est-ce que maintenant, l'écart passe tranquillement. J'ai été arrivé ces dernières années de passer par là encore avec ma femme. J'ai passé par là en car. Parce que vous voyagez quelquefois autrement qu'en vélo? Non, pas souvent. N'est-ce pas, il faut se rendre compte. Je ne vous le reproche pas, c'était une question. Non. Je ne critique pas le contraire. J'encourage ceux qui n'ont pas les moyens physiques, n'est-ce pas, de faire leurs kilomètres eux-mêmes, que moi je peux encore me permettre, je fais mes kilomètres moi-même. Oh, j'ai reçu dimanche après-midi, je montais un petit raidillon du côté de Chaville. Alors, un beau petit coup de... Vous savez comment on dit en terme argotier, un beau petit coup de cul. Et alors, il y a deux jeunes gens qui me croisent à pied. « Le grand-père, alors, faut prendre un vélo moteur. » Je lui dis « Comment? Mais je fais mes kilomètres moi-même, moi. » Et c'était un petit développement. J'ai grimpé encore, mais oui. Est-ce qu'il serait indiscret de vous demander votre âge, monsieur? J'ai eu 71 ans au mois de janvier, donc 71 ans et demi. Mais écoutez, l'âge, c'est secondaire, c'est la santé qui est tout. Vous avez une question à poser? Non, je crois que peut-être on attendra que vous racontiez l'anecdote de la réparation de votre bicyclette à la forge. Écoutez, cette réparation, ce sont des réparations. Parce que je peux donner une précision, je suis heureux ici d'être à la radio pour pouvoir le dire. J'ai été plusieurs fois accidenté dans le Tour de France. C'est un petit peu de la catégorie aerobique, n'est-ce pas? Mais moi, j'avais, à cette époque-là, en 1900, j'ai eu plusieurs accidents. Et malheureusement, c'est pas quand je marchais mal comme en 1911, en 1914, ou en 1922, ou 23 peut-être. Non, c'est toujours quand on marche bien, c'est là qu'on a le coup de pépin. Je suis pas le seul, il y en a d'autres qui l'ont eu, des Bobets, des Copies et bien d'autres. Mais tout de même, j'avais 18 minutes d'avance en haut du col du Tourmalet, en 1913. Desgranges, j'avais fait un pointage, n'est-ce pas? Et j'avais donc à cette époque-là 18 minutes d'avance. C'est en descendant le Tourmalet que mon tube de pivot de ma fourche a cassé et que j'ai évité la chute, mais j'ai eu de nombreux kilomètres à faire avant de trouver une petite forge à Sainte-Marie-de-Campan pour faire ma réparation. Et vous parlez d'un martyr quand on voit tous les autres camarades, Petit Breton, Tiche, enfin tous les autres qui me passaient à 50 à l'heure dans la descente et moi qui disais... Où vais-je trouver une maison? Comment on va pouvoir? Parce que voilà, on m'a souvent fait des compliments. Les compliments, tous ceux qui sont persévérants, tous ceux qui ont la conscience professionnelle, ils ont droit aux mêmes compliments. J'avais cette conscience professionnelle, une maison me payait, puis j'avais la foi. Je voulais faire le Tour de France, je voulais terminer le Tour de France. Je ne cherchais pas une excuse, comme malheureusement beaucoup de coureurs maintenant. Quand il me donne une excuse, on abandonne un peu, c'est tout. Parce que moi, au contraire, je sais, mais s'il m'arrive ceci, mais s'il m'arrive cela, comment ferais-je pour réparer? Et alors, c'est ça que j'ai même réussi, au bout de quelques kilomètres, de trouver une pauvre dame, une vieille dame qui a 80 des années maintenant, que j'ai revue à Sainte-Marie-de-Campan il y a 4-5 ans. Et elle m'a indiqué une forge. Je me suis écarté un petit peu de la route. Là encore, j'ai un frein de règlement, je me suis écarté de la route. Mais enfin, il n'y a pas un commissaire qui a pensé. Je me suis écarté au moins 200 mètres pour aller chez un petit forgeron. Et j'ai forgé un bout de ferraille. Oui, j'ai reforgé. C'est pas mon tube que j'ai frappé dessus. Mais j'ai forgé un bout de ferraille, un boulon de 22 mm que j'ai épaulé à la forge. Ensuite, j'ai fini d'épauler à la lime pour aboutir mon tube, pour en rassembler mon tube qui était cassé au bout du renfort. J'ai donc à un endroit, j'avais 16 mm et puis l'autre endroit 22. J'ai fini de l'ajustage à la lime, j'ai percé et goupillé pour rassembler le tout. Ensuite, j'ai remonté mon vélo, la femme du forgeron m'a donné un camion de pain, j'ai rempli mon bidon un peu d'eau et je suis reparti avec je ne sais combien de retard, je crois voisin de 4 heures de retard. Les kilomètres que j'ai fait à pied, ma réparation, j'ai réparé, n'est-ce pas, à l'époque il n'était pas question de pourcentage, parce que c'était impossible à l'époque. Et j'ai même fini au Lampion le soir, j'ai terminé le Tour de France, j'ai dans une place encore honorable. Je ne peux pas préciser si c'est 7e ou 9e, ma mémoire me fait un peu défaut pour l'instant, mais j'avais encore une place honorable, et c'est ce qui m'a fait ma grande notoriété, ma grande publicité. Je ne dis pas ça, c'est pour me donner des gants, mais c'est pour les jeunes gens qui peuvent m'écouter. Et je suis arrivé à Luchon, forcément toute chance de gagner le Tour de France, mais j'ai terminé le Tour de France. Maintenant, une deuxième fois, même accident en 1919. C'est l'année 1919 quand j'ai revêtu pour la première fois le maillot jaune. Quand il a été créé par Desgranges en 1919, on m'a remis un paquet de 6 maillots le 18 juillet 1919 à Grenoble. Et comme il y avait un jour de repos entre chaque étape, l'étape était très longue à l'époque, j'ai donc le matin de 19 à Grenoble, 19 juillet, j'ai endossé le premier maillot jaune. C'est donc moi qui ai eu l'honneur, si je n'ai pas jamais gagné le Tour de France, j'ai eu l'honneur revêtir le premier maillot jaune. Et j'ai donc en 1919, j'étais maillot jaune jusqu'à Dunkerque. Malheureusement, un tout petit peu avant Dunkerque, sur les pavés dans l'étape à peu près Maubeuge, une route épouvantable, et sur les pavés de Valenciennes, 6 km après Valenciennes, à Rheims exactement, ce sont les deux fourreaux de ma fourche qui ont cassé. Ce n'est pas le tube de pivot à cette époque-là. J'avais exactement 33 minutes d'avance. Il n'y avait plus que 500 km à faire. Nous étions plus que 11 coureurs ensemble dans le Tour de France. Je ne pouvais plus être battu. Pas plus que Bobet ou Coppi, quand ils sont en tête, ne peuvent être battus quand ils ont une formidable avance comme ça. Et malheureusement, j'ai donné un maillot jaune le lendemain à Lambeau pour aller inscrire son nom en tête du Tour de France. Et moi, j'ai pu terminer le Tour de France que 3e seulement. Et je n'ai jamais gagné le Tour de France. J'ai beaucoup de places d'honneur, les 2e, 3e, 5e, 7e, 9e, 2 fois 11e, 2 fois 9e, 11e et 18e. J'ai abandonné deux fois et sur 11 Tours de France que j'ai fait. Et jamais je gagne le Tour de France. Mais j'ai gagné, ce qui est une grande récompense pour moi, l'estime et l'amitié de tous, parce que tous les ans, on parle du Tour de France. Tous les ans, on reparle du Forgeron, de Satmar, de Campan et de la Fourche, etc. Vous pouvez demander à quelqu'un, un jeune, un vieux, un homme, une femme, qu'est-ce qu'a gagné le Tour de France en 1904, en 1908, en 1912, en 1920, etc. Quelques-uns vous répondront, mais pas tous. Mais demandez à n'importe qui, un vieux, un jeune, qui est-ce qu'a gagné son vélo, c'est Christophe. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, monsieur Christophe. C'était Soyez témoins, une émission d'André Gillois. Avec ce soir Jean-Pierre Morfait, Eugène Christophe, Géo Lefebvre et monsieur Sourdille. Ont collaboré à cette émission Florence Lièvre et Gaston Morfait. Montage radiophonique de Jacques Guinchard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 4 juillet 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».